lyrique sensée sur un beat posé, un son qui me rend sous la malle d'excès. Comment te faire comprendre et avoir confiance en moi? Pourquoi me faire attendre des confidences pour toi? Je dis et le répète que ta méfiance se répare, qu'à part les fois où je me hâte, à cet instant je me prépare. Loin d'être une fille de plus, loin d'être une dame de pli, je n'attends aucun terminus, aucune trahison où je me hisse. J'aimerais simplement que tu montres ce que je suis à tes yeux, faire tes signes en trompe, qu'on finisse tous deux heureux. Je me fous de ce que les gens pensent, me fous que les jours passent, l'important c'est d'être ensemble, et ceci malgré les impasses. Je le jure, crois en moi, comme c'est dur, mais je crois en toi et je croise les doigts, c'est pur, c'est mûr de dire que j'y crois. Cette fois personne s'y attendait, mais j'ai le cœur sensible, tout le monde s'y est trompé, c'est toi qui l'as pris pour cible, personne n'avait remarqué, et surtout pas toi. À quel point tu manquais les soirs où tu n'étais pas là, j'ai pleuré plus d'une fois, m'accablé sur mon sort, tu n'y voyais que du feu, chaque jour j'étais un peu plus mort. J'ai la haine qui vient car elle a le droit de te toucher, j'ai le droit de me taire, il veut juste s'approprier ton corps, ton cœur, c'est ça qui le rend fort. Tes peines, tes peurs, c'est ça qui me rend mort. Comme tout le monde, je vais l'avouer, t'as le droit à l'erreur. Mais c'est vrai que je t'avouerai que tu m'as brisé le cœur. Y'a pas que le cœur que t'as cassé, tu m'as tué tout court. Mais vu ce que tu m'as fait, tu ne mérites pas mon amour. Mon amour. Je te jure, je ne mens pas, quand je te dis qu'il y a un mois, tous les soirs et toutes les nuits, je rêvais de toi. Cette nuit, je l'oublierai pas, il m'est poussé des ailes, et je ne regrette pas, car tu étais si belle. Malgré ce que l'on peut croire, si j'écris tout ça, ce n'est sûrement pas pour te ramener vers moi, c'est juste pour te montrer à quel point tu m'as fait mal. Car depuis ce jour, j'ai le cœur qui est tout pâle. Dans la vie, il faut faire des choix, et tu as fait les tiens, mais tu les regretteras, tu sentiras du chagrin de te dire j'ai eu tort. Tu t'es trompé de personne, à ce moment je serai fort, je ferai les donnes. Dis-moi, t'as vraiment cru que j'allais te reparler? Même si tu avais su le mal que tu m'as fait, t'aurais fait pire que moi, ça je te le garantis. T'aurais fait pire que ça, je le jure sur ma vie. Tu m'as fait espérer que bientôt ça se ferait, tu avais même peur que je change de pensée. J'ai été pris pour un con et tu as pris ce gars avec des excuses bidons, tu vas regretter ça. J'attends toujours pardon, que je puisse te pardonner, et tes explications je suis pas prêt de les écouter. Dans l'histoire t'as tout perdu, pour toi je deviens sourd. Sabine, tu l'as dans le cul, tu ne mérites pas mon amour. Mon amour, mon amour.